je ne veux pas dormir au bout de tes draps, car je n'existe pas ailleurs que dans tes bras. 100 fois pas à pas, venir jusqu'à toi, tu ne résisteras pas autant que tu voudras pour que cette histoire parle vraiment de nous. S'arrêter ce soir et regarder autour de nous, voir les gens s'enfuir pour une perte de désir, renoncer, détruire pour le mal de séduire. Je veux que tu parles encore de tes désirs. Je veux encore faire l'amour jusqu'à frémir pour les jours où tu crains le pire. Je veux que tu parles.